excellent début de soirée. Merci de nous avoir choisis en plein cœur de Gaillon. Déjà 18h, tout de suite un nouveau flash d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. On aurait pu s'attendre à une intervention présidentielle, d'autant qu'Emmanuel Macron s'exprimera au journal de 20h de TF1. Ce sera finalement Édouard Philippe qui sera chargé de déminer le dossier carburant. Le Premier ministre annoncera en effet les mesures d'aide aux automobilistes demain, selon Matignon. À 3 jours du mouvement des Gilets jaunes prévu samedi, le chef du gouvernement dévoilera donc les arbitrages sur ces mesures demandées par Emmanuel Macron. Donald Trump ne cache plus sa colère vis-à-vis du président français. 2 jours après sa venue à Paris pour le centenaire de l'armistice de 1918, le président américain qui avait déjà publié un tweet ce matin pour critiquer une nouvelle fois l'idée d'armée européenne défendue par Emmanuel Macron s'en prend dans de nouveaux messages au président français et à sa popularité. Il a notamment brandi la menace d'une sanction commerciale à l'égard de l'Hexagone visant tout particulièrement la filière vin. L'Élysée n'a pas souhaité faire de commentaires. 3 proches de Karim Benzema soupçonnés d'être impliqués dans une tentative d'extorsion visant une connaissance du footballeur français ont été placés en garde à vue aujourd'hui à Paris. Ces 2 hommes et 7 femmes étaient confrontés cet après-midi à un homme qui a déposé plainte le 8 octobre pour une tentative d'enlèvement et de séquestration survenue selon lui la veille en raison d'un litige portant sur un transfert d'argent en liquide. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour tentative d'extorsion et les investigations ont été confiées au 3e district de la police judiciaire de Paris. Les groupes palestiniens dont le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza ont annoncé un cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza. Ils ont indiqué qu'ils s'y tiendraient si l'État hébreu le respecte également. Cet accord a été obtenu grâce à une médiation de l'Égypte, ont-ils indiqué. Israël, de son côté, n'a pas communiqué sur ce cessez-le-feu. 2 nouvelles roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël et 2 nouvelles frappes ont été menées par Israël dans la bande de Gaza cet après-midi, mais l'affrontement avait baissé en intensité. Enfin, Céline Renaud qui présidera cette année le jury Miss France dont l'élection se déroule dans sa région, le Nord. L'élection de la prochaine Miss France doit en effet se dérouler à Lille puisque Maëva Cook, Miss en titre, est originaire de la région. La représentante du Nord-Pas-de-Calais est cette année Annabelle Varane, la sœur du footballeur champion du monde Raphaël Varane. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Ça va bouger sans boule, hein. Daddy Yankee dans quelques instants avec un doula et tout de suite Dimitri Vegas Like Mike avec OPA sur Espace. L'After School d'Espace.

Midnight madness, moonlight gladness, in love town, baby. Out in the dark, under the stars, there's a brand new horizon. City full of lights, yes it glows in the night, and it's full of surprises. Every doorway has a fantasy land that will shake up your mind. Neon ladies selling rooms for romance on a 12 o'clock high. Everybody, bring your body to Love Town, baby. Midnight madness, a moonlight gladness in Love Town. No one ever sleeps, cause their body's on fire, yeah. Up on the roof, love is 100 proof. You got me going higher and higher. In every window there's a shadow or two, making love in the night. Making love all night. Look around you at your dreams coming true. For once in your life. To Love Town, a midnight madness, a moonlight gladness in Love Town, baby. To Love Town, a midnight madness, a moonlight gladness in Love Town. Put your hands together, everybody, bring your body to Love Town. Oh, oh, baby, midnight madness, moonlight gladness to Love Town. Ce soir 21h comme tous les jours de la semaine et jusqu'à 23h, retrouvez Funky Mix avec Manu juste avant 19h-21h, l'afterwork avec Dorian. Laissez-nous vos messages pour annoncer les manifs dans la région. 0 950 35 50 50, et plutôt un petit peu à l'avance. Merci par avance justement. Et on vous rejoint demain pour vous faire gagner de nouveaux passes pour la Saint-Romain qui se déroule jusqu'à la fin de cette semaine. Il est 18h30 tout de suite. L'info locale et régionale sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Ce mardi, 3 ans jour pour jour après les attentats terroristes de Paris, un hommage a été rendu aux victimes de la salle de concert du Bataclan, des terrasses de cafés et de restaurants et au Stade de France à Saint-Denis. Les fusillades avaient fait 130 morts, dont 6 originaires de Normandie et 350 blessés, notamment l'ex-commissaire de Louviers-Val-de-Reuil, désormais paraplégique. Des salariés de Novandi-Nomarum bloquent depuis hier soir la plateforme logistique de Novadis à Viron-Vey, près de Louviers. Les deux sociétés font partie du même groupe, Andros. Les salariés contestent le plan social supprimant 116 postes à Marom et l'accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi signé par les instances nationales du syndicat CFDT. Un rassemblement ce matin devant la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan. Les agents dénoncent la suppression de 20 postes de salariés contractuels l'an prochain. Les difficultés financières pour l'établissement s'accroissent depuis la mise en place de la tarification à l'activité, selon les agents. Depuis fin mars, l'usine de jus de fruits en briques Tropicana, basée à Hermès près de Beauvais, est à vendre. Le comité d'entreprise a émis aujourd'hui un avis favorable sur le projet de reprise du site par Navigator Capital. Le fonds d'investissement allemand conserverait l'activité d'embouteillage en la développant vers les marchés de niche. Le site Tropicana de l'Oise emploie 98 salariés et une vingtaine d'intérimaires. À la suite d'une enquête de notoriété, Frédéric Sanchez, le président de la métropole Rouen-Normandie, a confirmé aujourd'hui la démolition du panorama XXL à Rouen à l'automne 2021 et sans reconstruction rive gauche dans le futur quartier Flaubert, comme cela avait été évoqué. Le panorama XXL est trop clivant. 46% des habitants s'opposent à ce lieu culturel. Et puis, ce même sondage montre que 80% des habitants sont favorables au contournement est de Rouen. Les résultats de la concertation de la ville de Rouen sur les rythmes éducatifs a été dévoilé. Le scénario avec une semaine de 4 jours est arrivé en tête avec plus de 64% des voix exprimées. Et puis l'on s'intéresse à l'environnement à présent avec le reportage d'Alexandre Lénaud. Lancé depuis 2015, le projet Carbone Dairy, piloté par l'Institut de l'élevage, vise à réduire l'empreinte carbone des élevages bovins. En effet, l'agriculture est le troisième facteur de contribution aux émissions de gaz à effet de serre, soit 20% derrière le transport et l'industrie. À Conteville, près de Gaillefontaine, Aline Catoire, éleveuse de bovins, a engagé ses premières démarches environnementales avec l'achat de matériel innovant. Par exemple, on doit refroidir le lait à 2 degrés pour le conserver. Il existe des pré-refroidisseurs qui permettent de moins consommer d'électricité pour refroidir ce lait. Un pré-refroidisseur d'une valeur de 3 500 €, et ce n'est pas le seul investissement d'Aline Catoire pour réduire ses factures et son empreinte carbone. On a installé un régulateur de moteur de machine à traire, donc pour que le moteur ne fonctionne pas à sa pleine puissance pour rien. Avec 500 € d'économie d'électricité, donc avec les kilowattheures qui vont derrière, on est sur un retour sur investissement sur 7 ans. Mais après, ça peut être aussi sur une meilleure valorisation du pâturage, etc. Et donc là, ça peut chiffrer jusqu'à 15 ou 20 000 euros en fonction du parcellaire de l'agriculteur. Pour Aline Catoire, l'élevage bovin peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Le gros avantage des productions bovines, c'est l'impact également positif du fait du stockage du carbone dans les sols, avec notamment la bonne utilisation des prairies. Puisque les prairies, les haies, les arbres qui bordent les champs, de par le taux de matière organique dans les sols, on capte du carbone. Associé à l'Institut de l'élevage, Danone apporte à l'éleveuse Brayonne un soutien financier à hauteur de 7 500 euros pour la réduction de l'empreinte carbone dans le cadre du projet Les Deux Pieds sur Terre. En hockey sur glace pour le compte de la 16e journée de Ligue Magnus, les Dragons de Rouen, premiers au classement, accueillent ce soir à Lille-la-Croix les joueurs de Mulhouse avant-dernier. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après dissipation des brumes matinales, de belles éclaircies à l'horizon. Le thermomètre à 10 degrés seulement dans l'après-midi sur Songeon ou encore Le Neubourg et Évreux. Franchir la barre des 11 degrés à Bernay-Pont-Audemer, Rouen, Vernon-les-Andelys et le Pays de Bray et 12 degrés à Gisors et Beauvais. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Ça y est, il fait nuit, température moyenne 10 degrés, indice de l'air avec Atmo Normandie, c'est nickel, j'ai 3 sur 10, on attaque cette nouvelle demi-heure avec Silk City et Electricity. Baby, even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby, giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. I would stop the world for you, you know I 19h, Espace, l'After School. Devil in me, I sold my soul to be with you, baby.

Proc d'espace, Adriano avec un meilleur. Alors à 19h, c'est Dorian qui reprend le contrôle de cette radio pour l'afterwork jusqu'à 21h. On change de pilote dès 21h et jusqu'à 23h, c'est Manu pour Funky Mix. Alors maintenant, pour finir cet after school du 13 novembre, dans la catégorie des sons que vous choisissez vous-même avant 19h, nous écouterons évidemment cet énorme tube 80. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. 18h54, la Proc Télé. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mardi 13 novembre. Avant de débuter cette chronique télé, de rigoler, de sourire, je voulais avoir une pensée pour toutes les victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Rappelons tout de même que ce sont des gens qui étaient juste en train de boire un verre ou de dîner ou d'assister à un concert, enfin bref, passer un bon moment entre amis et que des débiles profonds ont décidé de les liquider, ne jamais pardonner, ne jamais oublier, c'est ma devise. Ce soir sur TF1, des séries américaines toute la soirée, des inédits de Good Doctors et de New York Unité Spéciale. France 2, on parle de terrorisme avec un documentaire sur l'histoire secrète de l'antiterrorisme, 23h45, un débat, terrorisme et maintenant. France 3, la chaîne, sera leader une fois encore avec le capitaine Marlowe, même si ce sont des rediffs, ça fonctionne à chaque fois. Canal, le redoutable, c'est une comédie dramatique de Michel Hazanavicius, hein, c'est un film qui retrace la carrière de Jean-Luc Godard. L'histoire se passe en 1967 durant le tournage de La Chinoise. Arte, quand les femmes s'émancipent, c'est un documentaire qui retrace la conquête du droit de vote pour les femmes en France, en Allemagne et en Angleterre. M6, elle est vraiment très chouette, la nouvelle saison de La France a un incroyable talent. Les jurés sont nickel, les candidats aussi, non franchement, bravo. Le meilleur de la TNT, France 5 en quête de santé, on parle des maisons de retraite, un système à bout de souffle, W9 état de choc, un magazine de reportage et on parle ce soir des gangs et prisons de haute sécurité, terreur en Amérique. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. Bon ben voilà, pour moi c'est terminé. N'oubliez pas, ludo@espace.fm. Enfin n'oubliez pas, non ça marche plutôt bien même, carrément. ludo@espace.fm pour me demander le titre de fin d'heure que vous choisissez totalement librement dans l'After School. Passez une belle soirée. Ciao, à demain, 17h. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues et je devine des histoires défendues. C'est comme ça.